pour mes femmes. Et si j'ai ma femme, je donne. Mais une partie, c'est pour mes enfants. Le jour que tu auras, que tu vas vieillir, c'est ces enfants-là qui vont t'aider. Hein? Les enfants, c'est la maison de retraite. Mais toi, tu veux maltraiter les enfants. Pourquoi? Ah non! Tina, Tinama, Natacha et Pichoué. mokili Taninga tokola masomi mavewe Taninga tokola masalisi bandako Malina, fin, à position.